silhouette de tes femmes. Je vois que tout le monde adore ton style, babe. Ça promet, donc je m'investis. Seul avec toi, sentir ton parfum, ouais. Dis oui et je t'emmène très loin. Au fond où tu me connais, tu sais où me toucher, tu sais me décoder. Fazer amor.